À l'occasion de la journée de la brillante étoile, la maison d'édition Alva und Deil de l'Autriche a fait paraître en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un. La cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il triomphera à coup sûr.